tes yeux sont de mer, et dans ton regard l'éternité se forge. Horizon au-delà du crépuscule, demeure d'étoiles et de divinités. Tes bras sculptés dans le granit sont des déserts à découvrir. Un Eldorado qui rassasie les conquérants, une âme qui enfanta les galaxies. Ton âme est la plus pure du monde, innocente, féconde, inépuisable. Falaise ou caverne mystère qui rend toute douleur supportable. Alchimiste des peines quotidiennes, ta simplicité est une joie savante, et le reste plaisir et coexistence. Comment ne pas chérir ta démarche humble? Comment ne pas languir tes gestes tendres, ta parole de sibylle, ta nature si candide ou fragile, la plus sincère Marguerite radieuse qui fait tomber amour. Dompteuse de douleur, ô Maléla, mon être qui partage mes tourments, douce gardienne de mes élans, mon épouse adorée, mon présent.